L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés, les boulouches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnissant. Délicat militaire, épargnez nos voglaires. Vénus en statue creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus en statue creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. L'amour, c'est de l'amour à volonté. Mais si vous voulez chanter avec moi, un, deux, trois. L'amour, c'est du pipeau. Ouais, il y a trois, quatre personnes qui suivent. Là. Les autres sont là en train de préparer leur sandwich pour la... pour leur lunch de demain. Là. C'est vendredi demain. Nous sommes vendredi. Quand les gens m'arrivent à minuit et quart, ils me disent « Il faut que je me réveille demain. » Et je me fais un grand plaisir de leur souligner « Nous sommes déjà demain. » Ça fait penser à Jacques Brel, là. Pas le « Ne m'inquiétez pas », mais « Nous sommes déjà demain. » Je ne sais pas là, dans quel passage, là, mais il dit « Nous sommes déjà demain. » Moi, c'est dans ces gens-là. Ce genre-là, il y a lui, il y a moi, il y a nous, les enfants, les rabbins, les bambins, tous les amis, de l'idée partie. Hein? Non, c'est pas celle-là. Je sais, c'est juste pour rire, là. Chez ces gens-là, on ne rit pas. On ne rit pas. On compte. Un, deux, trois. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les projos. Ben oui, parce que la projection qui me diffuse actuellement... Ouais, mais t'es à la radio, ben oui. Pour ça, j'ai l'air lumineux là-dessus, moi, là. Les transistors font un effort pour me rendre intelligent. Et c'est un méchant effort parce que depuis exactement 15 ans... Non, 18 ans. 18 ans et demi? 19 ans. 19 ans et demi? 22, 23, 24, 26, 28... Il n'y a pas 50 ans. 43. Il n'y a pas 43 ans, lui. 40, 50, 32. 33 ans. Renan a 33 ans. À juger. Ce serait le fun, hein? Les femmes, là. Les petites coquettes, là. Les vieilles coquettes. Écoutez, là. Je sais que j'ai l'air de 60 et 60... Ouais. Ouais. J'ai l'air. La mélodie, elle s'en vient. Elle est partie. Elle va me rejoindre. Attendez, monsieur, tranquille, au pied. Lèche-la. Lèche le plancher. Lèche-la tranquille. Hey, on a payé ces coraux-là 350$ le coraux. C'est du marbre. Je répète, du marbre. T'as-tu moyen, toi, de t'acheter du marbre? Moi non plus. C'est à crédit, tout ça. Non, moi, la grande vedette, Zaza Gabor, va prendre le bord de sa carrière pour venir entrer ici et finir ses jours. J'ai 350 000 Kodak derrière moi. J'ai 12 projecteurs diffusés en HD, DVD, en direct. CNN, si, les antennes de CNN sont en haut de CKRL. Moi, je reste à l'immeuble derrière de CKRL. Et j'ai demandé. Parce que moi, écoute, mon toit ne tiendra pas. Puis ça, c'est une ancienne banque. Là, saviez-vous ça? On peut pas la nommer. Mais notre station de radio, si vous avez écouté l'émission Errance canadienne depuis le début, là, je vous en ai radoté 3-4 reprises. C'est un endroit assez spécial. J'espère que vous croyez aux fantômes. Parce que les billets de dollars, ben là, ça vole pas pour rien, là. C'est pas venu de nulle part, là. L'argent a une âme. Une âme. Les gens qui ont de l'argent. Arrête, mon imbécile, plus t'en as, moins t'as de génie. On a. Ouais, mais lui, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Hé, hey, là, t'es en train de critiquer Rockefeller. Pas les Rolling Stones, là, mais Rockefeller. Parce que Rolling Stones n'ont pas d'argent, eux autres. Ils ont des biens. C'est bien avoir des biens. T'as-tu des biens, mon Jean-Pierre? Moi, j'ai pas de biens. Je n'ai que du mal. Tellement de mal que lorsque je passe devant l'église de chez moi, parce qu'il y en reste une dans mon quartier, toutes les autres sont détruites, il n'y a plus personne qui va à l'église, mais moi, j'habite avec des têtes blanches. Mais. Exact. Ouais, mais toi, c'est des masqués, là. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est des têtes blanches. Et c'est pour ça qu'il y a des églises. Les têtes blanches adorent les églises. Ben, oui. Exactement. Il y a le camion qui rentre à l'intérieur pour placer des cierges Pascal. C'est la seule église qui arrive à faire brûler 375 cierges Pascal le dimanche. C'est rare, ça, là. T'sais, les gens sont là, puis ça coûte 53 piastres pour faire brûler un cierge Pascal. Mais ça prend 3 semaines à faire brûler le cierge. Fait que tous les propriétaires des cierges vont voir leur cierge couler à chaque jour. Puis là, ils prient devant. Ils prient devant le cierge qu'ils ont payé. Parce qu'on place leurs photos. Quand même, on a un Polaroid. Il y a un photographe professionnel qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Anna Marie. C'est une professionnelle. Une grande professionnelle qui s'est cataloguée dans la photo religieuse à l'université de Tombouctou. Matane. Ça, c'est au Québec, Matane. Les crevettes de Matane. Ma tante arrête à Matane. Ma tante à moi reste à Matane. Des Matane ne reste pas à Matane. Des Matane, ça, c'est la grenouille. Elle reste dans son lot d'eau. L'eau d'eau, c'est pas une ville, là. C'est pas un pays, c'est pas un quartier. L'eau d'eau. Ouais, vous êtes mêlés. Vous allez vous. Vous avez 2 heures et. Bon. OK. Tranquille. Respirez. Ouais, vous faites de la tachycardie. La tachycardie, c'est quand ça pompe, là. Vous comprenez pas, vous venez stresser, déstressez-vous. Faites brûler de l'encens, madame. Ouais, mais c'est de la radio. Regarde l'encens, ça va passer par les écouteurs, là. Ouvrez vos écouteurs plus fort, madame. Monsieur, lisez. Membre, c'est correct, bien, c'est correct. Ouais, c'est bien. Bon, voilà. Ben, OK. Oh, il y a un petit fumet, hein? Un petit fumet qui sort de la radio, on est pas sorti. Et c'est mal. Qu'est-ce que tu allais dire avec. Ah oui, c'est ça. Les gens vont prier devant leur cierge Pascal. Ils sont pas gênés, là. Hey, monsieur. Excusez-moi, moi, c'est Théodore Gaudreau, là, c'est mon cierge. Vous êtes en train de prier devant mon cierge. Débarquez de là. Mon tabac. Mon ami. C'est là, toi, ton cierge. Regarde, toi, c'est quoi? C'est adjutor l'heureux. Ben, Adjutor l'heureux, c'est troisième cierge à côté du mien. C'est pas le tien, ça. Ah, c'est vrai qu'on se ressemble, hein, la même photo, hein, c'est le même sourire. Aviez-vous changé de prothèse, vous? T'as fait faire ça chez Gidio, la prothèse, moi aussi. Ah, lui, il fait ça en métal, ça dure 300 ans. Même quand t'es mort, ça roule même pas. T'as le sourire, on t'ouvre le cercueil, t'es en cendre, mais il reste ton grand sourire. Jean-Pierre. Mon nom est Jean-Pierre. Jean-Pierre aussi, la même... Oui! Gilles aussi. J'ai mon nom à Saint-Dillon. Saint-Dillon, il n'y a pas grand-chose à faire. Jean-Pierre. Tout est greffé là-dessus. Il y a plusieurs vedettes qui ont leur dentier fait à cette entreprise-là. Moi, je suis tellement heureux. Je me dis, moi, écoute, je suis pas n'importe qui, là. Je me fais prendre la mesure dans un local où plein de génies, de créateurs ont bâti le Québec. Même d'autres, là, Julien Blair, là. Et de baba, et de la la la la la la la la la la la la la. Lui aussi, là. Quand tu vas mourir, là, c'est quoi sa chanson, là? For you. Hey, ça va être merveilleux. Et moi, ma plus belle chanson de ce gars-là, c'est Utile. Je voudrais être utile à vivre et à chanter. C'est Rodingil qui lui a écrit ses textes. La plus belle chanson, c'est ses textes de Rodingil. À mon homme de vie. Hein? Je suis en train de me parler à moi-même. Non, ça m'arrive souvent. Je parle à mon corps. Je sais comment ça va, toi, ma bouche. Elle me dit, oh, je sens la bouche, je sens la bouche, je sens la bouche d'égout. Oh, écoute, même si c'est pas mon goût à moi, si c'est le tien, je te laisse vivre, moi, là. Je suis pas un fèche, hein? Pardon? Ouais, c'est ça, je suis pas sur moi. Oh, non, j'ai jamais été sur comment tu veux. Voilà. On est à radio. Oh, bonjour, les auditeurs, auditrices, c'est KRL, Errance Canadienne. Je vous présente l'assistant des dents. Il vit sur la gencive depuis deux palais. Effectivement, il en arrache. Mais il m'a l'air passablement incompétent pour aspirer à devenir la racine carrée de l'insignifiance. J'ai dit insignifiance. Oui, c'est le courant d'air, ça... Je vais le rappeler pour lui dire que ça va pas très bien, oui. J'ai payé cher, moi, là. Je pense que je les prends. Vous croyez aussi que c'est en paix avec la prothèse de notre artiste? On l'appelle. Attends un petit peu. Tidio, mets de l'écho, Tidio. Allô, prothésiste? OK. Hey, je suis allé faire une prothèse il y a deux semaines. Bon, mais est-ce que ça se pourrait que vous vous seriez trompé de prothèse? OK. Là, vous avez plusieurs artistes avec... vous avez pris... bonjour, ça va bien? J'ai mangé une belle salade de choux. Ah, oh, crémeuse dans le Seigneur de Dieu. Pardon? Non. Hey, mais, excusez-moi, j'ai dérapé dans la crémeuse, moi, là. Quand je répète... Ah, il faut jamais déraper dans la crémeuse. Ah, on repart plus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de repartir. Tu peux pas? Mais non, je suis en crémeuse! OK. Okay. Hey, monsieur! Allô? Non? Ouais, c'est ça, je me suis. Je vais reprendre ma voix de prothèse qui va pas, là. Je suis un comédien, moi, le professionnel. J'ai fait les cours de Dormesson. Les cours de quoi? De Poséidon. Les cours Gâche-Pied. Les cours de Michel Tremblay. Et où la bonjour? Les trois sœurs de belle-sœur. Je connais ça, moi. Tolstoï. C'est-tu Tolstoï? Shakespeare, Molmiller, le grand Molmiller, la joyeuse frénésie de Joyeuse Miller, là. Quand ça se termine en disant « Oh! Croyez-vous à ces jours-là, vous, trompeuse de chimérique? » Et l'autre rétorque « Oui, depuis que mon amour s'est effondré sur votre amour, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est qu'il n'y a plus de papier. L'imprimante a arrêté. Il n'y avait plus de moyens de financer. En 1615, là, l'imprimante a arrêté après 20 copies. Fait que le spectacle finissait le même. Les gens tiraient des tomates. C'est pour ça que, tu sais, la vogue des tomates, là, quand ça va pas très bien, un spectacle, on en tire là, de la tomate. Ça vient de là. pas de l'au-delà, ça vient de là, de ce moment-là où on pouvait pas aller plus loin dans la rhétorique. Je vous ai eu, hein, rhétorique. Et on parle à un universitaire. Oui. Ça va bien? Oui, je vais partir. Partez. Partons, la mer est belle, embarquons-nous, pêcheurs. Ça va bien? Ça va très bien. OK, hey, c'est ça, la prothèse. On est dans prothèse. Monsieur, il nous attend depuis 20 minutes. Vous n'êtes pas endormi, vous, là? Vous écoutez CKRL de 89.1 à Québec? C'est bon, hein? Ah, que c'est... Elle est belle, elle. Ma metteur en onde. Je lui ai dit, je préfère te dire metteur que metteuse. Metteur, parce que metteuse, ça... Il dit triste, pas éditeuse. Il dit peuse, éditeuse, soreuse, et ça. Et puis, ouais, c'est ça. Hey, excusez-moi, monsieur. Ouais. Hey, vous aviez plusieurs artistes cette semaine-là, hein? Est-ce que vous vous seriez trompé avec Henry Miller? Je le savais parce que j'avais plein de petits poils dans le fond de la bouche. Ouais, ben je... Ouais, avant c'était bien, maintenant c'est plus bien. Oh, le gag, c'est le gag! Il y a un homme de CKRL, à une certaine époque, en 2000, lorsque je me suis éclipsé, il m'appelle la semaine avant que je quitte. Il me le dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la censure, OK. Il me dit, ouais, ton émission, là, il n'y a pas de punch. Ouais, OK, il n'y a pas de punch. C'est pas le but de ce que je fais, là, des punchs, là. Parce que dans des soirées olé-olé, il y en a du punch, mais là, il... Non, c'est pas ça. Hey, moi, j'ai fait de l'improvisation. OK. Pendant 2 heures. On t'a mis dehors? On m'a mis dehors de partout. Et puis? Maintenant, ben, je suis que colporteur de moi-même. Oui. Au privé. OK. Donc, t'as pas de punch. Et puis, c'est pas le but de la manœuvre, là. Monsieur, vous avez pas compris le truc. C'est de l'absurde. Ça peut finir comme on veut, quand on veut, in peace et per pace. Hein? In peace et per pace. Non, c'est in vitam proper man. OK, aussi. Le choc coquin du corps caresse l'imaginaire, l'éloquence des fantasmes, la frileuse représentation du sens et l'espérance d'une traversée du miroir. De Desnos, il ne reste que les cendres et les lunettes déportées, transportées. Excusez-moi, c'est le moment d'émotion, OK? Préparez-vous, madame, mettez vos... OK? Du tissu à volonté, des essuie-tout. Tout, ça essuie tout. Les gros chagrins, les petits chagrins d'amour. Petite blessure au niveau du genou. Je suis tombé sur mon orgueil. Ça fait mal. Il y avait 350 filles qui étaient là, puis mes talons hauts ont pété. Et je portais du Christian Dior. Je devais tourner le coin, puis l'insignifiante Rita Bibelot avait mis du beurre. Bien sûr que j'ai glissé, je suis tombé, je me suis fait mal à mon égo. Aïe, j'ai juste 22 ans, ma carrière est finie. Je sais qu'avant, quand on m'a dit « prépare-toi », puis on m'a préparé, qu'on m'a tout mis juste à point, il y avait des coupes de champagne, j'en ai bu 3-4, j'étais stressé. Là, on m'a dit hey, prends 2-3 Valium, j'ai plus 2-3 Valium. Hey! Fume 2-3 joints, j'ai fumé 2-3 joints. Hey, vas-y, c'est à ton tour. Je tourne le coin. Là, ils m'ont dit, t'as exagéré. Hey, exagéré, qui me fournissait tout ça? C'est pas moi-même, c'est pas venu à ma bouche par un robot, là. C'est vous autres. Ma carrière est terminée. Il me reste juste à me retrouver dans les journaux, dans les potins, votant, avec une paille dans le nez, qu'on me dit, Oh, papa, ce n'est plus bonne. Papa, ça, c'est de la... Ouais, ça, c'est de la censure. On peut pas dire la mannequin en question. Qui? La mannequin. La majorité des mannequins, là, internationales, pas les petites mannequins. Ouais, les petites napkins, c'est rien. Ça s'éponge tout seul. Brigitte Napkin, là, la petite stupéfiante, là, la petite... Elle amène une tuque, elle, là. Excuse-moi, ma chérie, là, mais c'est juste une tuque, là. On va voir tes cheveux, puis t'es pris par derrière. On sait que t'aimes ça, là, d'être photographié ainsi, parce que on voit ton semi-profil du cheveu. Et tu t'es fait un dégradé extraordinaire. Ça, là, c'est pour ça qu'on choisit. Là, ton dégradé est de... du coiffeur... San Antonio de la Porte. Bon, San Antonio de la Porte. Bravo, ça vient d'Italie, ça? Tu t'es payé un billet Québec-Italie, Italie-Québec, pour porter une tuque. Puis ce qu'on va t'offrir en argent, c'est 75$. Il n'y a pas un petit déficit là-dedans, là? Tu penses que tout ça va aider à ta carrière puis qu'il va t'amener en haut avec Claudia Schiffer qui ne fait même plus de mode? L'autre, là, Laetitia Casta qui ne fait même plus de mode. Puis tout le monde qui ne fait même plus de mode. Écoute, ma petite, tu n'es même plus à la mode. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Le Néant Gagné. Car à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Le Néant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi, parce que c'est vendredi, 22 novembre, c'est qui j'ai pris? OK, oui, 22 novembre. Êtes-vous certain que c'est le 22 novembre ou le 13? Ah, c'est le 13. 13 novembre, oui. Le 13 novembre 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous. Excusez-moi, je suis mêlé. Ah, mon Dieu. Je suis surmené. Là, je sais qu'il y a Léo Ferry qui veut parler, là, mais... Voyons, allez-y. OK. Ah, c'est lui. C'est pas le temps. Je sais. Mon ami, comment il s'appelle? Pas Mick Jagger. C'est comme tout comme. Ouais, c'est... mon oncle Eddie. Eddie! Pas Eddie Christman, mais Eddie. Puis Serge nous attend. On arrive, Serge. Termine ton petit verre. Qui? Ton petit verre. Aujourd'hui, le vendredi 20... Non, arrête donc. 22 novembre. Je ne suis pas certain. Je suis plus certain de rien. Là. Oh, plus certain de rien. 22 novembre. Le 13 décembre. Oh, 13 décembre, c'est ça. Oh, parce que le 20, c'est mon ami. Oui. Hey, le 20 décembre, c'est le grand. Le très, très, très, très grand dégustateur. C'est le premier que j'ai rencontré lorsque je suis descendu de l'avion. Jean-Pierre Coff. On passe le temps des fêtes avec Jean-Pierre Coff. Un méchant plaisir. Je vous le dis, je vous le conseille. Et puis le 31 décembre jusqu'au 1er janvier 2014, nous serons à l'antenne de CKRL. Nous passerons le cap. Errance rénaldienne, comme à chaque année, passe avec vous ce cylindre très, très complexe que l'on appelle le changement d'année à CKRL, ensemble, vous et moi. Parlez à vos amis, là. Mais moi, j'en ai plus. J'en avais, là. Je leur disais, écoutez l'émission de Rénal. Et puis? Ils m'ont plus rappelé. Lorsque vous les appelez? Ils répondent plus. Ah, mon dos, excusez-moi. Mais non, j'avais juste 3 amis. Et? Et maintenant, j'en ai qu'un. C'est qui? C'est Rénal. Ah, merci, monsieur. Alors, aujourd'hui, le vendredi 13 décembre 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. C'est une autre, c'est ça. Laissons sur la chaussée les valises, je compte encore sur toi. Je compte encore sur toi. Je serai le plus heureux. 1, 2, 3. Je pense encore à toi. Je pense encore à toi. Je pense encore à toi. J'espère que tu es heureuse. Ah, c'est bon, ça? Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Sonia Pavlik. Formée à l'école Claude Mathieu, Sonia a travaillé avec Alain Baptiste, Hugues de la Salle ou encore Roger Planchon. En 2010, dans le cadre de la compagnie Arlus, ça va bien toi, ça va très bien. Arlus. Ma prothèse, c'est pas la mienne, c'est Henry Miller. OK. Dans l'histoire des Gypsies et de Vermont, un spectacle musical pour enfants, après avoir participé en tant que lectrice aux ateliers de l'école Lacanienne, Proust Celan Spinoza, elle travaille actuellement comme chanteuse sur le projet Pop Rock et joue au cinéma. En 2012, elle décide de réaliser son premier film, La femme à tête de chou, et Errance Rénaldienne voulait l'entendre. Voici notre dernière rencontre avec notre dernière plage, notre dernière émission avec Sonia Pavlik. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah oui! Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu, je suis content d'avoir ta peau, vieux chameau. Ah bon, ben, quand moi, tu veux que je t'ai reçu à bras ouverts, vieux canaille. C'est fait. Il y avait toujours ton couvert, vieux canaille. Ouais. T'as brûlé tous mes tapis, t'as même fumé dans mon lit, t'as zippé tout mon whisky, vieux bandit. Puis, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Un canon. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Fumier. Tu as fait du baratin. Mm-hmm. Tu l'as embrassé dans les coins. Et ailleurs. Dès que j'avais tourné le dos. Et le chameau. Je suis parti avec elle, vieille canaille. Ouais, oui, je suis parti avec elle, vieille canaille. Oh. En apportant la vaisselle, le cellier en rotel, tête cassette au magnéto, vieux chameau. Fumier, ordure, etc. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Ah ah. Ouais, j'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Aïe, aïe, aïe. Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai bon coup. Pas moi. Hé, hey, tu t'aurais vite refroidi, vieux bandit. Mais on te mettra dans une tombe, ah bon, vieille canaille, vieille, ah bon, vieille canaille. Et moi, je vais faire la bombe, vieille canaille. Ça m'étonne pas. à coups de petite paire de filles, la plus belle qui est de ma vie sera pour tes funérailles, les canailles. Je pense que c'est aussi applicable à Gainsbourg dans une certaine mesure, même si il s'est plutôt exprimé dans la musique. Enfin, il a fait un film, mais j'ai jamais vu son film. J'ai jamais vu son film. Il en a fait 4. Ah, je croyais. J'étais moi non plus. D'accord. Et Quata. Ah ouais, je pensais qu'il en avait fait. Ah oui. Mais j'en ai 3. Il en a fait 3. Mais j'en ai jamais vu. Ah non ? Non, jamais encore. Ok, le premier. Je crois que j'ai peur en fait de les voir. J'ai vu des photos et j'ai peur de, parce que j'aime tellement le musicien et le chanteur, enfin le compositeur. C'est pas pour elle. Mais j'ai un peu peur de voir le film en fait. Okay. Non mais de voir ses films, j'ai peur d'être déçue. Okay. Oui. C'est full hyper musical. D'accord. Voilà. D'accord. Mais oui. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être vu quand même. Mais t'as raison. D'accord. C'est fidèle au personnage. D'accord. Surtout Charlotte Forever, là, oui. Que beaucoup de ciné. De critiques ont jeté du revers de la main. Mais sans connaître vraiment ce qu'il voulait dire et surtout ce que l'homme proposait. C'est un langage nouveau. Ça n'a pas vieilli. D'accord. Avec Francis Huster, c'est merveilleux. C'était ton engouement qui m'a fait rire. Oui. Parce que même Francis Huster aujourd'hui en reparle de ce film. D'accord. Gainsbourg l'a impressionné. D'accord. Gainsbourg. Là, c'est le dire. Il a le dérangé. Parce que lorsque tu rencontres des personnages, tu ne fais pas de ça. J'espère que tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de tes jours. Il y a tellement de monde ordinaire, de monde plat, sans relief, que lorsque tu sens l'extravagance arriver, il faut l'admettre que c'est quelque chose d'inconfortable parce que tu te rends compte que la société n'est pas toujours bonne, plate et leur fleuve tranquille. Il y a ta houle et c'est cette houle-là qu'on doit garder et qu'on doit, parce que c'est ça la création. Oui. C'est s'en faire jeter dans la face et en même temps le voir, le sentir et le relancer par la suite. C'est un jeu de voyager. Et ce qui me plaît un peu dans ce que tu fais, c'est ça, c'est le côté un peu... on vous propose quelque chose. Il n'y a pas de téléphone. Vous pouvez le voir si vous voulez, mais sinon, c'est pas grave. C'est ça, hein? Ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison, il y a de ça, oui. Ouais, c'est sûr, il y a de ça, oui. C'est un peu ça aussi. Bah, écoute, ça demande réflexion, c'est difficile de répondre à ça, parce que d'un côté, quand tu fais quelque chose, tu as toujours envie que la chose soit vue, plaise, c'est difficile quand même de dire, bon, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Mais en même temps, j'essaye d'avoir de la légèreté par rapport à ça et de me dire ce qui compte aussi... quand on a des envies très fortes, c'est de vivre, et c'est de faire, c'est d'être dans l'action, voilà, et d'être aussi dans le futur, dans le passé, tout ça, c'est important d'être un peu partout. Non mais c'est vrai, disons que le présent bien sûr est très important, mais... Les Avec ça, il fait nuit. J'aime bien les baffes. Pas sur le paf, ça fait mal. Je suis pas sur les roues de doux. Il y a quelque chose à te dire ici. Oh, Alain. En fait, c'est une supercherie. C'est pour mieux glisser le disque A dans l'unité B. Enfin, ça, c'est un truc intéressant. Oh! Tu me lâches, toi! Gaétan, enferme-moi ça! C'est dangereux, ces animaux-là! Pas toi, Alain. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. C'est pour ça que je me suis fait arrêter par la petite police qui m'attendait sur le coin de la rue. Puis qui s'est dit, hey, lui, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un créateur, un perdu, là. Anciennement, on les plaçait dans des asiles ou dans des maisons de repos. Puis on disait, dors, dors, dors, mon petit dors. On voulait pas que ces gens-là amènent à l'esprit du peuple leur imaginaire, parce que ça aurait pu chambarder leur idéologie. Et quand on chambarde l'idéologie... Hey, comment ça va? Ça va idéologiquement, ça va très bien. OK. Non, mais quand on chambarde l'idéologie, on dérange la société en place. On dérange ce qui gère actuellement notre monde et notre cycle sociétal. Sociétal, parce que je trouve que ça fait beau mettre un mot en « al » après société, sociétal, moteur mental, protopratal, monomonal, rénal aussi, mais l'émental, mon Dieu, c'est... Moi, j'ai jamais mangé de l'émental, madame... Est-ce que je suis normand? Oui. T'as-tu mangé de l'émental? Comment ça? J'ai une odeur buccale? Lâche-moi ça. Tu sais même plus faire des liaisons bucco-buccal, rénal, réno. Mon Dieu, non. Intestino-intestinal, rénal ou réno? Rénal. Intestino-intestinal, intestinal. Déto, il étale. Alors, étale-toi et dis-moi tes problèmes. Oui. Docteur? Oui. Attendez. Avons-nous le bruit du docteur? On va l'avoir, on a les moyens, attends un peu. Écoutez bien le docteur, là. Docteur? Oui? Hey, on sent l'universitaire, hein? On sent le type qui a pas juste fait un bac, là, qui a fait une maîtrise, qui a fait un doctorat, puis a émis dans son cheminement éducationnel un mémoire. Quand tu parles à un gars comme ça, tu veux t'abandonner. Allô, docteur? Oui. Oh. J'aimerais pas ça me nommer, là, OK? Parce que j'aimerais rester anonyme. Oui. OK. Hein? J'ai régorgé son trois temps. Excusez-moi. Vous êtes docteur? Oui. OK. Étiez-vous curé dans une autre vie? Il fait signe, non? OK. Votre formation l'interdit. OK. Non, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. Pis, Docteur, j'ai un problème. Ça, c'est bien. Hein? Quand on va te voir, puis on dit, excusez-moi, quand on vous voit, puis on dit, j'ai un problème, ça vous relaxe. Là, ça vous dit, le compteur est en marche. Il va m'amener de l'argent. C'est bien. J'ai aucun problème avec le fait que je vous donne mon dû à la sueur de mon tampon. Gaétan, c'est une blague de ma femme, Gaétan. Ouais. Eh bien, drôle, mais elle n'a pas de formation universitaire. Elle n'a même pas été au cégep. Elle n'a pas fini son cégep. À l'école de la vie. L'école, j'ai trouvé en deux poubelles, puis moi, j'étais dans la troisième. Je mangeais sa lasagne. Sa lasagne, ça, c'est mon ami, mon coloc de l'époque. Il m'a dit, hey, dehors, j'ai sa lasagne. Ah ouais, dehors. Puis là, il m'a mis dehors, puis il m'a placé dans une poubelle, puis il m'a mis sa lasagne. Ouais, de son nom, il m'a laissé son mets. Mon ami, mon frère. Alors là, c'est pour ça que je viens vous consulter. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. J'ai appris, excusez-moi, docteur, là, mais j'ai appris que votre épouse vous a abandonné, hein? Avant-hier. Et que votre médecin, à vous, personnel, vous a prescrit une médication pour décompresser. Puis, vous a dit de pas offrir votre aide à d'autres personnes avant que vous-même soyez en pleine forme, c'est ça? Oui. Puis là, vous m'avez dit, il n'y a pas de problème, là, viens-t'en ici, puis moi, c'est demi-tarif. Demi-tarif, je ne l'ai jamais connu, moi, est-ce que c'est votre collègue demi-tarif? Oui. OK. Alors, lui, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas consulté, mais êtes-vous en mesure de m'aider, vous, là? Oui. OK. Vous êtes un humain. Puis vous intervenez auprès des humains. Ça, ça m'intéresse. Oui. Alors, si je vais voir, exemple, 5 spécialistes de votre genre, allez-vous arriver à 5 visions différentes? Oui. OK. La vôtre, excusez-moi, là, si je vous paye, là, mais vous, votre avis à vous, votre avis à vous, êtes-vous commandité par les entreprises pharmaceutiques? Excellent. Est-ce que je peux rester avec vous? Oui. Non, les autres ne sont pas consultants pharmaceutiques. Oui. Ah oui? Mais vous, c'est les divergences. Non, c'est quoi? C'est pas les marques connues, là. C'est, comment tu appelles ça? Les capelets, les chapelets. Les capelets. En tout cas, les marques sous le chapeau. Oui. OK. Ça me coûtera pas très cher. Oui. Oui, ça va me coûter cher? Bon, j'en doutais. Je m'en doutais même pas, parce que la France de Bukowski, c'est... Pochard ou poète? Imaginez comment, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe, et puis aussi tirer bilan, je sais pas, de ce que tu as fait dans le passé, et pourquoi est-ce que telle chose a marché, comment tu t'y es pris. Alors, il n'y a pas de recette, oui, enfin, c'est pas, disons que c'est, j'essaie d'être dans le présent, de vivre ma vie, tu vois, au maximum, mais ensuite, j'essaye aussi de penser, de réfléchir au passé comme au futur. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup lire des bouquins d'histoire ou regarder des émissions historiques. Parce que non seulement il y a tout... Tout a été fait, tu te rends compte que tout a été fait. Oui, tout a été déjà fait, puis ça donne des idées, enfin, c'est... Est-ce que tu crois qu'il y a des... Ça donne de la profondeur aux choses. Oui. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui, à travers la littérature que tu rédiges, en même temps, autant sur le web que sur le papier, arrivent à te reconnaître à travers les films, à travers ce que... Est-ce qu'il y a une continuité? Au contraire, c'est tout à fait disparate. Il y a la fille cybernétique, il y a la fille littéraire, et il y a la fille cinématographique. Donc, ça en fait, disons que ça se rejoint quelque part, mais je pense qu'il y a des tiroirs, parce que déjà, écrire de la fiction, pour moi, c'est très différent quand même d'écrire un texte informatif. Donc, c'est pas exactement la même chose, tu vois, il faut pas que je lâche trop mon imaginaire. Voilà. Voilà. Et tandis que c'est vrai que la fiction, je pense qu'on peut retrouver des motifs à travers les différentes œuvres de fiction que j'ai écrites. Par exemple, j'ai écrit une pièce de théâtre pour enfants, c'était une comédie musicale, enfin un conte musical. Et on voyait déjà des personnages comme ça qui sont un peu à la marge, enfin, qui ont des tenues très colorées, etc. Éclatant, oui. Donc il y avait cette ligne de conduite, c'était aussi un couple un peu infernal. Et dans le court-métrage, voilà, il y a aussi ce couple bordélique. D'ailleurs, on ne sait pas trop s'ils sont en couple ou pas finalement. Enfin, ça peut, mais... Un peu le cirque. Oui, voilà, c'est un peu le cirque. Et puis... Pourquoi tu ris? Non, je ris parce que je passe un moment agréable, c'est pour ça que je suis contente. Non, mais tu te rends compte, c'est quand même très chouette. Tu viens presque du bout du monde, on est réunis à cette table. On est réunis à cette table et on parle de la femme à tête de chou, c'est super. C'est beau. 2013, oui. Dans 2013, on s'est dit, c'était avec son époque. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais oui, il y a des motifs qui reviennent dans l'œuvre de fiction. Et en revanche, ça n'a rien à voir avec mes écrits journalistiques. Et pour le web, ça dépend aussi, parce que je pense que c'est intéressant de s'adapter tout en gardant sa personnalité, de s'adapter au public auquel tu écris. Autant fictionnel analytique, c'est important parce que tu te dissocies. Oui, voilà, c'est vrai, on peut se dissocier. Ouais. Écoute, j'ai... En fait, t'es oui, analyste, es-tu analyste de formation? Non, j'écoute et je veux pas être vulgaire, mais je recrache. Donc, c'est ça. Si tu étais un liquide, j'ai des questions à te poser comme ça. Si tu étais un liquide, qu'est-ce que je serais? J'essaie d'anticiper. C'est ça ta question? Alors, je serais pas de la bière. C'est pas très féminin. Écoute, si j'étais un liquide, je pense que je serais un... Bah, je vais dire que je serais un jus de pêche de vigne, parce que c'est ce que je préfère. Ok. Bien pressé. Oui. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see answer. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be. Let it be. Let it be. Still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. You know I wake up to the sound of music. Mother Mary, she come to me, speaking words of wisdom. Let it be. Seemed like I heard her say, son, let it be. Let it be. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Shift. your heart always be joyful. May your song always be sung, and may you stay. Une défaillance intellectuelle vient de se passer ce soir à Errance Renaldienne. Nous nous en excusons. C'était une œuvre très, très primaire de... C'est pour ça que nous avons repris le flambeau. L'émission n'est pas aussi désaltérée que cette chanson. Hey, c'est beau, ça. J'ai fait la même affaire à CKRL. Oups. Studio de CKRL. Lorsque j'ai diffusé un album de Stéphane Herr. Qui? Stéphane Herr. Et puis? C'était très Herr payé pour m'avoir arrêté la musique, mais c'était pourri! Non, mais il faut le dire, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et là, je croyais que ce que je vous amenais là, dans mes souvenirs les plus profonds, restaient trois petits cons. Con qui résonne, con qui fredonne, con qui me dit c'est cette chanson que l'on doit présenter à notre public. C'était très faux de suivre ce chemin-là. Alors, la morale de l'histoire, parce qu'il y en a une morale, c'est de tenir, si le flambeau peut tenir, le flambeau c'est le micro, parce qu'il... Je demande à Mme Viagra de lui donner un peu de substance, histoire de raidir la soirée. Elle est tellement jouchée. OK, alors on peut pas... Non, on ne peut plus. Sinon, c'est un overdose. Everyone knows why the reading. Everyone knows why the sing. Everyone knows the night of silence. I'm the one who knows the night away. I know. C'est de l'anglais? C'est de l'anglais. I know what, on s'en bat. I know what a boy, le franc Canada. Il y a le Québec qui se cache sous ses draps. Lorsque tu le dévoileras, tu verras que le français un jour vainquera. Et mon c'est du Léonard Poet. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et s'il l'a dit, c'est peut-être vrai. La musique est encore en train de jouer. Oui, la preuve. Oh. Il s'est pas endormi, lui-là. On lui demanderait, s'il vous plaît, de prendre de la farine à repasser et sous le nez, lui envoyer quelques effluves. Comment ça s'appelle, là, les. Baudelairienne. OK. Alors, il faut demander à Baudelaire. Baudelaire. Où est-il, Baudelaire? Est-ce qu'on doit l'appeler? Moi, je te le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Il est où? Sous la terre. Sous la terre. Sous. Sous la terre. Plus sous que ça, là, t'arrives là-bas, là. Tong. Allô? Grain de riz sur votre nez? Oui. Veut dire que coordonnées n'est plus existant. Oh! GPS fonctionne plus. GPS, ça vient de chez vous? Mais tout vient de Chine. OK. Japon n'est plus là. Japon, je dis japonais. eBay. Ah oui, tout ce que je prends sur eBay, ça vient du Japon. Bravo, vous êtes mes amis. Oui, mais nous sommes en bas. Ben oui, c'est vrai, en bas, avec vous montiez en haut, ça prend 2 mois. Mais la livraison est gratuite. On vous remercie infiniment. On passe pas de douane. C'est Galatos. Pas de taxes. Merci. Cette semaine, les sœurs, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, cuisons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de la vous... de la vous... De la vous divulguer. Qu'est-ce que tu dis là? C'est plus du français. C'est quoi? C'est du franco-vietnamien avant le mien. OK. Pour vous la divulguer. Ah, c'est beau, ça. 2 morceaux de robot. Peux-tu me le dire sans faute? Écoute-moi. J'ai participé aux Olympiques de la narration en 2012. J'ai gagné la médaille d'or. En 2013, je me suis pratiqué et j'ai passé. Et même, je vous dis ce soir, là, ça fait déjà 3 semaines et demie que j'ai eu mon trophée. Je vais vous le refaire ici ce soir. En direct. À 1h21 de la nuit. Je me suis même pas pratiqué. Ticu Baudouin est venu me réveiller dans mon sommeil le plus profond. Je rêvais à Claudia Miller. La belle Claudia Miller. Qui nageait sous le front. Et là, je vais vous lire l'atelier de l'improvisation pour vous dire que ma médaille d'or, je la mérite et je n'ai pas pris aucune combustion lente. OK. Alors allez-y. Pas d'écho. Pas d'écho. Non. Simplement. Ah oui, j'y vais. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. C'est-tu avec ça que tu as gagné? C'est avec ça. Ben bravo, merci! Il est dénoté la gueule. Bravo. Alors, l'improvisation, c'est silence. Silence. C'est beau, le silence. On nous demande souvent, garder le silence. Mais moi, je ne peux pas le garder, là. Il est parti. Je l'ai mis en laisse, là, il y a 15 minutes. Puis je ne le revois plus, là. Il est où, le silence? Ben voyons, là, il n'est pas avec Tipitou Doudou. Tibidou Doudou. Oui, celui qui jappe. Oh, attendez. Je vais vous faire entendre, Tipitou Doudou. Je m'arrête, puis vous allez vraiment savoir que c'est pas de l'improvisation, là. C'est de la réalité. Voici, Tipitou Doudou. Ouais. Tipitou Doudou veut japper quand il veut. En fait, il veut me passer pour un imbécile. Il veut que moi, je me fasse arrêter auprès de la SPCA pour que je sois 13 ans lors de sa comparution pour qu'elle me fasse arrêter pour être un chien. Un chien, madame Chose. Un chien. Est-ce que je suis un chien? Ben, pas vraiment. Mais j'ai débuté comme un poisson rouge, bon, là. Ensuite, j'ai gradé, j'ai pas été rétrogradé, j'ai gradé pour être un goéland. Goéland, là, fring, pour les voitures, là. J'envoyais ça dans les voitures, mais surtout les voitures de haute qualité. Parce que j'étais contre le bourgeois. Inspiré de Jacques Brel, madame. Madame la juge. Inspiré de Jacques Brel, les bourgeois, c'est le bon. Alors, moi, les bourgeois, et puis ensuite, de goéland, je suis devenue madame la contrepèce. La contrepèce. Madame, qui? La fesse. Madame la fesse. Côte-moi la fesse. Madame, qui? Madame. C'est beau la madame sous juillet avec la jupe. Madame. Quelle danse et voilà le revers. Madame. Quand on crie dans votre cœur que je vous aimais. C'est comme cette chanson. Dernièrement, je suis allée dans une très jolie station balnéaire en Picardie. Ça s'appelle Mers-les-Bains. C'est vraiment très très beau. Donc, Mers-les-Bains. Mais si j'étais une ville, bon, je pense que je serais Paris. Hein. Tu as l'origine parisienne ? Oui, je suis née à Paris. Dans quel arrondissement ? Je suis née dans le 12e arrondissement. Ok. Et depuis ce temps-là, t'as après, j'ai fait pas mal de points. Je suis allée dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. À Paris, bah, j'aime bien là où on est. Parce que c'est tranquille, c'est silencieux. Ouais, c'est il se passe absolument rien. Non, il se passe rien. Il n'y a pas de musicien, tu vois, qui vient t'interrompre. Il n'y a personne autour. Ouais, voilà, il y a personne autour. Donc, ce n'est que le capharnaüm de nos esprits qui. Qui se diffuse actuellement, sinon ben, voilà. C'est un bon voilà. Voilà. Non mais sinon ça serait pour te répondre plus précisément en fait ça serait pas tout à fait là où on est, ça serait les buts de Chaumont. Okay. Ah, j'adore les buts de Chaumont. T'aimes bien toi aussi le buts de Chaumont? J'ai le droit de te poser des questions ou pas? Et toi c'est quoi ton endroit préféré dans Paris? C'est ici. C'est ici? Oui. D'accord. Parce qu'il y a de la vie. Oui, c'est vrai. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai. C'est vrai. Bonne réponse. Merci. Mais il y a de la vie aussi. Est-ce que c'est des morceaux de robots? Des morceaux de robots? Comment ça? Ben oui, je t'ai parlé des morceaux de robots. Ah non, tu m'as pas parlé de ça. Ben oui, tout à l'heure, j'ai dit, ok, t'as bien répondu, t'as deux morceaux de robots. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que t'as des morceaux de robots? J'ai raccroché, ben, t'en as trois même. Ah, ok, alors j'en ai trois. Je suis très généreuse, j'en ai trois. Si tu étais une langue? Une langue, le perse. Pourquoi? Parce que j'ai toujours bien aimé la sonorité du mot perse. Est-ce que tu le parles? Ah, je parle pas du tout. Mais t'es pas un panier percé. Non, voilà. Oui, et puis tu vois, il y a un côté antique aussi quand tu parles le perse. Tu vois, okay. ça fait civilisation millénaire. Ok. Hey, comment que s'appelle le gars qui fait une question pour un champion? Julien Perse aussi. Si j'étais une époque. Si j'étais une époque. Attends, mais j'essaie de répondre à, vraiment honnêtement à tes questions, oui, alors oui, ça toujours. Me prend un peu de temps. Je pense que j'aimerais bien tous les années folles. Maintenant c'est passé fou. Mais c'est passé. C'est trop fou. Bah non, mais. Actuellement c'est passé fou. Si, c'est fou, mais c'est juste parce que du coup je fantasme dessus. Okay. Tandis que je fantasme moins sur le temps présent, mais en fait, donc l'époque que je vais te dire, j'aurais jamais vécu. Okay. Et finalement, je sais pas ce que ça sera, mais j'imagine que c'était vachement bien. Quelle année? Non, mais je vais dire autre chose. Non, j'aurais bien aimé. Alors, j'aurais bien aimé voir les Beatles en concert, donc je vais dire plutôt début... On n'entendait rien, les gens qui oui, voilà, avant 65. Ouais. Voilà. J'ai arrêté de faire de la musique, des spectacles à cause de ça, on n'entendait pas les paroles. On n'en voulait pas. Si tu étais donc, c'est plus les années folles. Ouais, c'est ça. Si mais c'était fou, mais oui, c'était voilà, pas les années folles. Voilà, c'était les années pop. Dying, ouais. Si j'étais un mot, c'est dur tes questions. Ben oui, toujours. Si j'étais un mot... Mais c'est dur de répondre. C'est dur de répondre. Chef d'orchestre aussi, c'est pour ça. Bah écoute, tu sais ce que tu fais, tu m'appelles. Un mot d'esprit, je serais. Voilà, je serais un mot d'esprit. Je l'attendais, mais c'est un mot d'esprit. Si tu étais un aliment. Je vais te dire vendredi, tu sais, j'ai mon pote la carrière. Un aliment. Un aliment, je pense que je serai un cochon de lait. Ok. Parce que tout est bon dans le cochon. Voilà, tout est bon dans le cochon. Si tu étais une époque. Une époque, donc c'est pas une année. Hein. C'est non, pas la belle époque. Non, ben, c'est ça, c'est pas les années folles. Ça peut. Ah, je l'ai dit, une époque. Ouais, tu m'as déjà dit, ouais. Ok, parce que c'est dans le. Donc, tu vois, je peux ouais. pas lire. Ah, oui, c'était. Ah, okay. Voilà. Regardez, si tu étais une saison. Une saison, ça serait bah écoute, le printemps. Bon, on peut dire, j'espère que ce sera bon. On va faire le printemps. Ça. Ouais, le printemps. Ok. Parce que. T'inquiète pas, ça va le faire. Mais, tout le monde est ennuyé par les foins, alors par le rhume des foins, tout le monde est ennuyé. Moi aussi, alors voilà, je trouve que c'est un moment assez marrant. Okay. Où tout le monde dit j'ai les foins, j'ai l'impression d'être dans un film de Woody Allen. Ah oui, oh là là, ou un western. Ah, j'ai mon allergie, j'ai mon allergie. Voilà. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Pourquoi tu ris? Parce que c'est assez drôle comme formulation, un membre corporel. Donc c'est une main, un pied, quelque chose. Un membre. Je serais une main. Pour écrire. Pour faire du piano. Pour faire plein de choses. Ah, tu joues du piano? Non, je joue pas, mais si j'étais, si j'étais une main, je jouerais du piano. À cause de 16 ans. We'll be right back.

désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon? C'est le cochon, c'est bon. En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, Driette du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin. C'est bien. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, la, la, la, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. 2, 3, 1, 2. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au chambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette air polisson. C'est bon. Qui c'est bon, c'est le cochon. C'est bon. Si tu étais un moment de la journée. Si j'étais un moment de la journée, un 5 à 7, on va dire, non. Maintenant. Je serais. Ouais, non, si j'étais un moment de la journée, ça serait. J'aime bien le coucher de soleil. Ok, ton côté romantique. C'est mon côté romantique, ouais. Si tu étais un autre individu. Si j'étais quelqu'un d'autre, donc être quelqu'un d'hyper différent. Déjà, je serais un homme. Comme ça, j'aurai l'expérience masculine. Si j'étais quelqu'un d'autre, ça m'aurait vachement amusé de voir ce qui se passe dans la tête de Woody Allen, mais... Donc on va dire Woody Allen. Okay. Voilà. Et tu disais tantôt que tu aurais bien aimé être un homme. C'est pas que j'aurais aimé, c'est que si j'avais la possibilité d'être quelqu'un d'autre, eh ben, on va partir que du principe que j'aurais déjà vécu mon existence. Tu vois, je me réincarne en quelqu'un d'autre. Eh ben, j'aimerais bien me réincarner en homme juste pour voir si c'est différent en fait. Être un homme et te rencontrer, qu'est-ce que tu te dirais? Si je me rencontre, moi, je me dis, quelle est donc cette jeune femme? Je sais pas, je me dirais bonjour déjà. Je m'inviterai boire un verre. Okay. Voilà. Et puis après? Après, je sais pas, tout dépend de comment la soirée se passe. Comment? Tout dépend de comment le reste de la soirée se passe. Mais normalement, comment ça pourrait se passer? Alors, qu'est-ce que je pourrais... disons que... Je réserverais des billets d'avion et je m'inviterai en voyage dans un pays très beau et où il y a du soleil. Voilà, j'organiserai des vacances surprises. Pour te faire plaisir. Pour me faire plaisir. Donc le soleil doit être là. Ah oui, voilà. Parce que exactement. Toi, tu es une fille de soleil. C'est qu'en ce moment, cette année, on n'est pas très gâté. Je crois que c'est planétaire. Hein. Mais je crois que c'est planétaire et en plus. C'est au noyau, dans le noyau. Voilà, c'est ensoleillé. Malheureusement, il n'y a pas d'eau dans le noyau. Non. Il n'y a que du feu. Oui, il n'y a que du feu. Donc on va dire que je perdrai vite mes cheveux. Mais non. C'est vrai. Puis là, ça a pris quand même plusieurs années. Bah oui, ça a pris plusieurs années. Ah oui, il y a du travail, ça se voit. Non, c'est pas amateur. Toi non plus, ça s'est pas fait en un jour. Ça? Ta longueur. Ah, mais écoute, je les ai fait couper avant de venir. C'était pire. Mon passeport, c'est tout. Mais j'aimerais bien le voir. Je passe pas au doigt. Ah oui. C'est remplir le maximum. Oui, oui. Moi, je l'ai pas sur moi, donc. Moi, je passe pas au doigt. C'est vrai que étranger en France, c'est pas son passeport. Hein. Ouais, je suis prête, attention. C'est bon. J'accroche. Incroyable, hein. Mais alors, on ne te reconnaîtrait pas du tout. Non, je sais. Mais pas du tout, on dirait pas du tout que c'est toi. Ça peut te poser des problèmes à la douane. Oui, c'est ça, effectivement. Mais il y a une histoire. J'espère. Lorsque j'ai pris la photo, ok. Bon, j'espère que ça démarre. J'ai pris le bus. C'est le début qui est difficile. J'ai débarqué au mauvais arrêt. J'ai dû marcher 45 minutes à pied. Le vent était épouvantable. J'avais les cheveux longs. Il faisait chaud. D'accord. Je tout est en haut. Mais comme il était tôt, je me suis dit, je ne vais pas me reposer avant la photo. Il n'y avait personne. J'ai été le premier à passer. Ensuite. J'ai été le premier à passer. Et voilà le résultat. Le gars mort, les cheveux longs, avec le vent, la soie, et ça donnait ça. Mais écoute, c'est une belle photo, ceci dit, mais bon, on ne te reconnaît pas du tout. Hein. On ne peut pas dire que c'est toi. Non. Enfin, vraiment, et je pense que les douaniers, je ne sais pas si tu as intérêt tellement à aller aux États-Unis et après de passer à Cuba. Ah, d'accord. Là, c'est bon, tu vas pouvoir te rattraper. Oui, je le prends pour 10 ans. D'accord. Donc, si la photo est mauvaise, c'est pas dans 10 ans. Et voilà, ouais, c'est pas pour 10 ans. C'est ça, c'est un peu gênant avec le papier d'identité. Pardon? Bah, c'est qu'on en a pour 10 ans. Oui, mais comme disait Barbara, j'espère que la photo sera bonne. Est-ce que tu la connais? Si la photo est bonne, de Barbara? Oui, oui, oui. En effet, oui. Ah, mais oui, mais elle le saura, puisque... C'est ça sera comme dans la chanson. On verra. Hey Sonia, merci de ta présence. Bah, merci à toi. À toi de ton invitation. C'est très plaisir. Mais ça fait très plaisir aussi. Puis on ne peut pas avoir accès à ton vidéo puisqu'il est codé. Mais oui, mais alors pour l'instant il est codé. Je pense qu'au bout d'un moment je le mettrai en accès libre. Et voilà, donc il faut m'écrire. Il faut m'écrire. Et je te séduis. Voilà. Dire que tu es merveilleuse. Et voilà, oui. Okay. Une photo de passeport. Qu'on a adoré ton émission. Oui, voilà. Et du coup, qu'on aimerait aussi beaucoup voir la photo de Reynald. Okay. Oui, que j'ai vu, mais que tes auditeurs n'auront pas vu. Du coup. Non. Et du coup, bah, voilà. Et puis peut-être s'ils m'écrivent après, si on m'envoie des retours positifs, j'enverrai une copie. De ta photo. Non, peut-être pas. Non, mais raconte. En guise de récompense. D'une manière narrative, tu pourras raconter. Hey, merci de ta rencontre. Ben, merci. À la voyeuse. Merci à toi. Bye. As if like a kiss with the same. So hold Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Avec mes chiffres, on se dit des choses, des machines, oh pas grand chose, des trucs comme ça. Mon Dieu machine, et ma machine. C'est autre chose, c'est ma chaîne, ça la chauffe, tout ça, ce sont des trucs qui ne s'expliquent pas. Ces jolies choses qu'on ne se dit pas. Machin truc chauve, machin truc très chouette. C'est ma chaleur. passion.